Des choses, de la situation. Je veux encore danser, encore, encore et encore. Même s'il pleut sur Nantes, on pourrait envisager de danser quand même. Under the rain, je veux danser encore, même sous la pluie, dans les tornades. Tranquille. posé dans un meublé. Le vent, la madrague ne saurait nous toucher. À l'abri des débris de notre civilisation. À l'abri, tranquille. Forme d'abri. Une enveloppe. History is not repeating. Human we'll be right back. You or me. Everybody, somebody to look. Total géopolitique des câbles bien en place. Chacun a peur dans sa maison. Policier dans la tête. Simplement au pied du volcan. Quand même, des nus, à poil, contre les vents, contre les marais, contre les vents mauvais. Les vents. Sélectionner sur le volet. Tenir en appui. Tenir la distance. Longue patience. Humilité. Capable de me poser. Capable. Voyons si on pousse le son. Tout d'un coup on se réveille. Wake up.